الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer le cours aujourd'hui, c'est le cours 33 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans les sujets de la foi en la prédestination. Et on va lire maintenant le hadith numéro 49 dans le livre. Et le cheikh, il a rapporté ce hadith. Il dit, « عن الوليد بن عبادة قال, دخلت على أبي وهو مريض أتخيل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر خيره وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى فيه تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد. C'est un beau hadith rapporté selon Al-Walid ibn Ubada. Il dit, je suis rentré chez mon père. Son père, Ubada, lui c'est Al-Walid et son père c'est Ubada. Il s'appelle Al-Walid, fils de Ubada. Donc Ubada c'est son père. Il dit donc, je suis rentré voir mon père alors qu'il était malade et je craignais ou je pensais qu'il allait mourir de cette maladie-là. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit, oh mon père, donne-moi un conseil. Hein? Ici, il dit, c'est pas juste un conseil, il dit Ausini. Ausini, ça vient de Al-Wasiya. Al-Wasiya, c'est, disons, des consignes que tu laisses à quelqu'un avant de mourir. Donc, il lui dit Ausini, c'est-à-dire, donne-moi des consignes. Qu'est-ce que tu m'enjoins de suivre ou de faire après ta mort? Donne-moi des conseils sur ça. Wajtahidli, et fais des efforts pour moi, pour bien me guider, m'orienter. Alors il a dit, fa ajlisuni. Il dit, aidez-moi à m'asseoir. Hein? Probablement qu'il était allongé. Et là, il voulait parler, donc il voulait s'asseoir. Donc il a dit, aidez-moi à m'asseoir. Et lorsqu'ils l'ont assis, il a dit, oh mon fils, tu ne trouveras pas la douceur ou le goût de la foi tant que tu n'as pas atteint la réalité de la connaissance d'Allah et tant que tu n'as pas cru en la prédestination du bien et du mal de ce que Allah a prédestiné. Alors je dis, ô mon père, et comment pourrais-je avoir la connaissance du bien et du mal de la prédestination? Alors le père a répondu, il a dit, tu dois savoir que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la première fois que Allah azza wa jal a créé la plume, il lui a dit, écris. Et à ce moment-là, tout a été écrit, hein, jusqu'au jour de la résurrection. Tout ce qui va exister jusqu'au jour de la résurrection a été écrit à ce moment-là. Non, il a dit, la première fois que Allah a créé la plume. En fait, c'est qu'il peut y avoir les deux significations. Soit que ça peut être la première chose que Allah a créée, c'est la plume, ou soit que lorsque Allah a créé la plume la première fois, Il lui a dit, écris. Il lui a ordonné d'écrire. Tu te rappelles, tu m'avais posé cette question? Non, exact. Alors, il a dit, écris. Allah a ordonné à la plume d'écrire ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection. Et il a dit, oh mon fils, si tu meurs et que tu n'as pas cette croyance-là, alors tu vas entrer en enfer. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith, il dit, وهذا الحديث أيضا في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بهما هو أحد أركان الإيمان الستة ففي هذا الحديث أن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في آخر حياته عند الموت فلما علم أن أباه قد احتضر أو قارب الموت طلب منه وصية تكون من الميت لأنه يستحب للميت أن يوصي قبل موته أولاده وأقاربه بتقوى الله والتمسك بالدين من بعده كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهكذا يطمئن الوالد على عقيدة أولاده من بعده وهذا من النصح ومن كمال الشفقة وإذا كان هذا عند الموت فكيف بحال الحياة والصحة ولهذا فإنه ينبغي للوالد أن يعتني بالمحافظة على أولاده والمحافظة على عقيدتهم وعلى دينهم وأن يعلمهم الخير ويحثهم على تجنب الشر ووسائل المعاصي حتى ينشأوا نشأة صالحة وفي هذا الحديث أيضا أن الوليد يطلب من والده أن يوصيه وهذا من حرص السلف على الخير والتواصي به كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم donc ici le cheikh Al-Fawzan il explique que ce hadith est au sujet de la foi en la prédestination, le décret et la prédestination. Et la foi en ces deux aspects du décret et de la prédestination, c'est un des piliers parmi les piliers, les six piliers de la foi. Et il y a donc dans ce hadith qui est rapporté selon Al-Walid ibn Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, il dit qu'il est rentré voir son père, et son père c'est Ubada ibn Samit, le grand compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il était à la fin de sa vie, hein, près de la mort. Hein. Et donc, quand il est rentré voir son père, il a su que son père était mourant, et qu'il était, yani, proche de la mort, donc il lui a demandé, yani, de lui donner une consigne, hein, au moment de la mort, par laquelle il pourrait trouver une guidance de la part de son père après que son père soit mort. Hein, comme un testament qu'il lui laisse. Et ça, c'est quelque chose qui est recommandé de la part du mort ou du mourant, c'est de donner une wasiya, laisser un testament pour ses enfants et ses proches après sa mort et de leur enjoindre de craindre Allah Azza wa Jal, de se préserver d'Allah et de s'accrocher à sa religion après lui. Et comme Allah Azza wa Jal le mentionne à propos d'Abraham alayhi salam dans le verset 132 dans sourate Al-Baqarah lorsqu'il dit et Allah Ibrahim avait enjoint à ses enfants et à Yaqub et Yaqub aussi a enjoint à ses enfants donc Ibrahim a enjoint à ses enfants ainsi que Yaqub a enjoint à ses enfants en disant ô mes fils ou ô mes enfants certes Allah a choisi pour vous la religion alors ne mourrez qu'en étant des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui va apaiser le cœur du père par rapport à la aqida et la croyance de ses enfants après lui. Hein, parce qu'il va se rassurer qu'il leur donne le bon conseil et de faire en sorte que ses enfants fassent attention après lui de rester sur la bonne aqida et de ne pas se laisser dévier. Et ça, ça fait partie de la sincérité du père envers ses enfants et de l'affection totale qu'il a pour eux et de l'attention qu'il a pour eux de vouloir le bien et d'espérer le bien pour ses enfants. Exactement. Ça aussi, c'est important. C'est comme tu dis, lorsque quelqu'un, il donne un conseil à ses enfants au moment de la mort, eh bien, cette exhortation ou bien ce rappel de la part du mourant, ça a beaucoup plus d'impact et c'est beaucoup plus touchant et ça reste plus dans le cœur des enfants que lorsque quelqu'un va donner un conseil durant sa vie. Et le cheikh, il dit, si c'est le cas, donc, lorsque quelqu'un meurt, alors que dire de l'importance que le conseil peut avoir de la part du père pour ses enfants lorsqu'il est encore vivant? C'est-à-dire que il faut pas attendre seulement lorsque tu arrives dans ton lit de mort pour donner des conseils à tes enfants et pour leur faire des rappels, mais il faut en profiter pendant que tu es en vie, pendant leur éducation, justement, pour être certain que ces enfants-là vont être bien guidés par la permission d'Allah. Et je me rappelle tout le temps de cette wasiya de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, au moment où il était malade. Il y a cet enregistrement qu'il avait fait, dans lequel il avait donné des conseils aux musulmans et aux salafis en particulier, de s'accrocher à la sunna et de faire attention à ceux qui appellent à la rébellion contre les dirigeants et la voix des khawarij. Il avait vraiment donné des conseils et tu vois dans sa voix, quand tu l'écoutes, que yani, il est fatigué, il est mourant. Et les gens qui entendaient même cette wasiya, ils pleuraient. Et ça aussi, ça rappelle la wasiya du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné, hein, lorsqu'il a fait une exhortation aux compagnons, le hadith de Al-Urbad ibn Sariya. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation qui a fait couler les larmes de nos yeux et qui a fait frémir nos cœurs. Et on a dit, « Ka'annaha mou'idhatu mu'addi'in fa'awsina » C'est comme si c'était un discours d'adieu que tu nous fais. Alors, qu'est-ce que tu nous laisses comme testament, comme wasiya, comme consigne pour après ta mort? Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, « Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun » Je vous enjoins, après moi, d'écouter et d'obéir, même si votre dirigeant est un esclave égyptien, éthiopien. Donc ça, c'est un exemple de wasiya. Et donc c'est dans la sunna des messagers, Ibrahim, Yaqub, ils ont donné le wasiya. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le wasiya. Et yani, les sahaba, ils donnaient le wasiya aussi pour leurs proches, pour leurs enfants, et ainsi de suite. Donc c'est une chose qu'on doit garder, hein, et qu'on doit suivre aussi, de laisser une wasiya pour nos enfants après notre mort, si on a des enfants. Luqman, il donnait le nasiha à son fils tout le temps. Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ya bunayya, et il donne plein de conseils comme ça dans Sourate Luqman. On voit l'exemple de ça. Ensuite, le cheikh, il explique que il faut que le père, donc, il se préoccupe de l'attachement de ses enfants. L'attachement est le fait qu'ils préservent la aqida, hein, et leur religion, et de leur enseigner le bien et de les inciter à faire le bien et à s'écarter du mal et de s'écarter des moyens ou des causes qui peuvent les amener au péché pour qu'ils puissent être éduqués et élevés d'une éducation qui est bonne et qu'ils soient pieux. Et dans le hadith, il y a également le fait que l'enfant, le fils, Al-Walid, il demande à son père, Ubadat ibn Samit, de lui donner une wasiya, de lui donner des consignes pour lorsqu'il sera, lorsqu'il va mourir. Hein? Et donc, on voit que non seulement le père, il donne la wasiya, mais le fils, il vient, puis il demande à son père, « Oh papa, hein, oh mon père, fais-moi une wasiya. » Donc, ça montre à quel point les salafs, ils étaient yani, désireux de, yani, et qu'ils voulaient faire beaucoup d'efforts pour connaître le bien et pour s'enjoindre au bien les uns les autres. Comme Allah Azza wa Jal leur donne dans le Coran, « Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabri. » Hein? « At-tawasi » ça vient aussi du mot « wasiya ». Et « at-tawasi » c'est sous la forme de « al-mufa'ala ».« Al-mufa'ala » ça veut dire quelque chose qui est fait de façon réciproque des deux côtés. Donc, « at-tawasi bil haqq » c'est comme si on se donne les uns aux autres une wasiya de rester accroché à la vérité. Et on se donne l'un l'autre une wasiya de rester patient et endurant. C'est ça, at-tawasaw, hein, at-tawasi. Donc, ça, encore une fois, c'est le rappel de l'importance de al-wasiya, de s'accrocher, de s'encourager mutuellement les uns les autres à la vérité et à la patience. Donc ça, c'est la voie des sahaba, et c'est la voie des messagers, et c'est la voie des hommes pieux et des salafs. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa fil hadith, anna ubadat ibn al-sam, et talaba an yujlisuhu, ihtimaman minhu radiyallahu anhu bil wasiyya, fa ajlasuh, wa awsabnahu wasiyyatahu al-azima, أوصاه أن يؤمن بالقدر بالقضاء والقدر فدل على أهمية هذا الأمر فإنه في هذا الموقف وهذه الحالة الحرجة أوصاه الإيمان بالقضاء والقدر لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة فرقة القدرية الذين كانوا ينفون القدر فتحذرهم الصحابة رضي الله عنهم وحذروا منهم وهكذا ينبغي للمسلمين إذا ظهرت فرقة ضالة أن يحاصروها وأن يحذروا منها وأن يقوموا ضدها حتى يسلم هذا الدين من دعاة الضلال. Donc ici le cheikh il mentionne, il dit que le hadith d'Ubadah ibn Samit, ici on voit que quand son fils lui demande la wasiya, de donner les consignes, il dit, assoyez-moi, aidez-moi à m'asseoir. Pourquoi? À cause de l'importance de la wasiya qu'il va donner. Donc si c'est quelque chose d'important et qu'il est capable de s'asseoir, même si c'est difficile pour lui, même si c'est fatigant pour lui, mais c'est quelque chose qui mérite l'effort. Et donc il demande qu'on l'assoie, pour montrer l'importance de ce qu'il va donner comme consigne. Et donc il a donné, yani son fils lui a demandé la consigne, et lui il lui a donné cette immense consigne, et ce testament important, de croire en le décret divin et en la prédestination. Et ça indique l'importance de ce sujet-là. Il dit, parce que dans ce moment difficile dans lequel il était proche de la mort, eh bien, il enjoint son fils de croire en la prédestination et en le décret divin. Et la raison de ça, le cheikh il explique, c'est que parce que à la fin de l'époque des Sahaba, il y a certaines sectes d'égarement qui sont apparues. Et parmi les sectes, il y a la secte des Qadariyah. Et les Qadariyah, ce sont ceux qui nient le Qadar. Et parfois, les gens, ils s'imaginent, parce que on les appelle qadariya, que parce que s'il y a le mot qadar dedans, qadariya, que ça voudrait dire, ou ça serait ceux qui affirment le qadar. Mais affirmer le qadar, ça fait partie de la religion de l'islam. Mais pourquoi on les appelle qadariya? Non pas parce qu'ils affirment le qadar, mais parce qu'ils nient le qadar. Et c'est pour la même raison que ceux qu'on appelle les takfiriyoun, les Khawarij, on les appelle takfiriyoun. Pourquoi? Parce qu'ils font le takfir. Mais tous les musulmans font le takfir. des koufars et des mouchriquins. Selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs et les règles de l'islam, c'est obligatoire de déclarer kafir ce que Allah et son messager ont déclaré koufar. Mais les takfiriens, pourquoi on les appelle takfiriens? Parce qu'ils exagèrent dans le takfir. Et parce qu'ils font le takfir sans se limiter aux règles du Coran et de la Sunna, sans se limiter à la compréhension des salafs. Ils font le takfir de ceux que Allah et son messager n'ont pas déclaré koufar. Et c'est pour ça qu'on les appelle takfiriyoun. Et donc, ça c'est une règle générale. On appelle les aqlaniyoun, ceux qui placent leur aql au-dessus du Coran et de la Sunna. Malgré que c'est des gens qui n'ont pas réellement d'aql. Mais on les appelle aqlaniyoun parce qu'ils exagèrent dans l'aql. Et la même chose pour les jihadiyoun. Il y en a qui disent, pourquoi tu les appelles jihadiyoun, les khawarij? Le jihad, ça fait partie de l'islam. Oui, le qadar fait partie de l'islam. Et le takfir fait partie de l'islam. Hein? Et al-aql, également, c'est des choses que l'islam encourage lorsque c'est utilisé dans les limites de qu'est-ce que Allah a permis. Et la même chose pour le jihad. Si quelqu'un il exagère dans le jihad, ou il fait le jihad d'une façon qui dépasse les règles du Coran et de la Sunna, qui sort de la compréhension des salafs, hein, et qui fait rentrer dans le jihad ce qui n'en fait pas partie, eh bien là, ça devient autre chose. Et on les appelle des jihadiyoun à cause de ça, parce que ce sont des extrémistes et des gens qui déforment le sens du jihad. Donc ça, c'est une chose qu'on retrouve souvent dans les appellations des sectes et des groupes d'égarement ou des gens qui ont dévié dans une bid'a. On les désigne par la chose par laquelle ils ont dévié. Donc les qadariyas, c'est ceux qui déforment ou qui rejettent le qadar ou qui nient le qadar ou qui exagèrent dans le qadar. Et les sahaba mettaient en garde contre eux et avertissaient contre eux. Et c'est ainsi que les musulmans doivent faire lorsqu'il y a l'apparition d'une secte d'égarement ou un groupe d'égarement. Et si tu sais que dans une région en particulier ou dans une ville en particulier ou dans l'endroit où tu vis, il y a un groupe ou une secte ou des individus qui appellent à une bid'a ou à des idées ou à des croyances qui sont en contradiction avec les croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih, tu dois à ce moment-là avertir et mettre en garde les musulmans vis-à-vis de ces gens-là. Il dit pourquoi? Pour être capable justement de se tenir debout contre cette bid'a et de l'affronter, de la réfuter, et pour que la religion de l'islam soit préservée des gens qui appellent à l'égarement. Yani, combien de gens sont tombés victimes de ces groupes d'égarement et de ces sectes à cause justement de l'ignorance de certains individus? Hein? Et il y a des gens, par exemple, yani, on a vu les exemples comme ça, par exemple, une personne, une sœur, par exemple, qui s'est mariée avec un takfiri ou un djihadi. Et cette sœur, elle n'a pas demandé conseil, elle connaissait personne pour par rapport à la réalité de ces gens-là et leurs croyances. Donc elle s'est mariée avec cette personne qui a les croyances des Khawarij et les idées des Khawarij. Et elle s'imagine que cette personne, c'est un bon musulman. Et par la suite, elle découvre des choses et elle apprend des choses. Elle constate que la personne, elle dit des choses, elle s'imagine que c'est la vérité. Et elle rentre dans la bid'a. Elle rentre dans la voie des khawarij. Jusqu'à ce qu'elle commence à voir que les problèmes sont de plus en plus graves. Et quand les ennuis sont trop graves, alors là, yani, elle est obligée de constater que la personne avec qui elle s'était mariée, c'est une personne qui l'amène vers le danger et vers l'égarement. Mais là, il est trop tard maintenant. Donc ça veut dire que c'est important d'apprendre aux gens qui nous côtoient, aux gens qu'on connaît, de les mettre en garde contre les innovateurs, de les mettre en garde contre les bid'ahs. Surtout si cette bid'ah, elle est propagée, elle est répandue dans ce milieu-là, ou dans cet endroit-là, ou dans cette ville-là, ou dans ce quartier-là. Hein? quand on a des, on est à notre époque, dans, par exemple à Montréal, et on sait que dans certaines mosquées, il y a les idéologies des Khawarij qui sont propagées, comme la mosquée de Sahaba de Sharqawi, qui propage les idées des Khawarij, les idées des Takfiriyin, et qui encourage ça. Hein? Donc il faut mettre en garde les gens, si tu connais des gens qui vont à cette mosquée, de les avertir du danger. Hein? Et aussi, d'autres mosquées à Montréal, qui sont peut-être pas sur la voie des Khawarij, mais qui sont sur d'autres voies d'égarement aussi, que ce soit les Ikhwan, ou Tablir, ou bien les Sororiyah, ou bien yani, des Haddadiyah, ou bien des Mumayya, ou bien des Soufiyah, et ainsi de suite. Donc il faut faire attention. Allahu al-musta'an. Et le cheikh il dit, « وَلَمَّا ظَهَرَتْ فِرْقَةَ الْقَدَرِيَةِ أَوْصَى عُبَادَةِ ابْنَهُ بِالْحَذَرِ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ وَمَذْهَبِهَا وَأَنْ يُؤْمِنَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عَكْسًا لِمَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ الَّتِي تُشَكِّكْ أَوْ تُنْفِي الْقَضَاء وَالْقَدَرِ فَأَوْصَاهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وقال له لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقضاء والقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لمن يقول قولا أن يذكر دليله من الكتاب والسنة فهذا عبادة بن الصامت لما أوصى ابنه بهذه الوصية العظيمة ذكر دليله على هذه الوصية من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر أحرقه الله بالنار وهذا وعيد شديد يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر. Donc le cheikh il explique pour terminer ce hadith, que lorsque la bid'a des firqat al-qadariya, la secte des qadariya, elle a commencé à apparaître, eh bien, Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il a donné le conseil à son fils de prendre ses gardes et de faire attention à cette secte et à sa voix et de croire en le décret divin et la prédestination, le contraire de ce que prône cette secte égarée qui met en doute ou qui rejette ou qui nie le décret divin et la prédestination. Et il a enjoint à son fils de croire en le décret divin et en la prédestination. Et il lui a dit, tu ne trouveras pas le goût de la foi ou la douceur de la foi jusqu'à ce que tu aies cru en Al-Qadar ou Al-Qadar. Et il lui a dit de croire que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Si tu crois en ça, tu vas être en paix dans ta vie. Hein? Tu ne vas pas te traumatiser ou être troublé si quelque chose t'est arrivé. C'est parce que ça devait t'arriver. Et si quelque chose tu ne l'as pas eu alors que tu le voulais, eh bien ça devait pas te venir. Tu ne devais pas l'avoir. Allah ne l'avait pas écrit pour toi. Donc tu ne vas pas être triste. Tu es satisfait de ce que Allah a écrit, de ce que Allah a décrété. Donc ton cœur il va être en paix. Ton cœur il va accepter ce que Allah a voulu pour toi. Et donc il dit que il a ensuite rapporté le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et c'est ainsi que toute personne qui ramène une parole dans l'islam, il doit ramener sa preuve des textes de la religion, soit du Coran ou de la Sunna authentique. Et on voit l'exemple de Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu qui donne cette wasiya à son fils, cette grande wasiya au sujet de la foi, et qui lui ramène le dalil. Et on voit qu'il utilise comme preuve la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une preuve que les sahaba se référaient à la sunna de la même manière qu'ils se référaient au Coran. Et qu'ils considéraient que la parole du messager d'Allah Et les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont une preuve pour établir la véracité de la croyance et de la religion. Ça c'est une preuve claire du statut de la sunna dans l'islam. Et qu'il s'y référait comme on se réfère au Coran. Malgré qu'il y a des preuves de cela dans le Coran, eh bien, il se limite à la sunna. Ce qui prouve que la sunna est une preuve en soi, indépendamment du Coran. Et après, il dit que cette croyance en le décret divin et en la prédestination, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a enseigné. Et il explique que celui, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui ne croit pas en cela, Allah va le brûler en enfer. Ça, c'est une menace sévère qui indique la mécréance de quiconque renie la foi en le décret divin et en la prédestination. Donc maintenant, le hadith suivant, le hadith 50, le titre de ce hadith, le cheikh il a donné à ce hadith un titre, « Adamul munafat ». عدم المنافات بين الإيمان بالقدر والتداوي. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre la foi en le décret divin et le fait de prendre un médicament. Prendre un médicament. Et à notre époque, c'est la même chose, on pourrait même dire le fait de prendre un vaccin. Hein? Parce qu'il y a tellement de gens qui refusent les vaccins à notre époque, comme si c'était quelque chose d'interdit ou déconseillé. Anakallah. Il dit le cheikh, wa an Abi Khuzama, an Abihi, radiallahu anhu, qala, qultu ya Rasulallah, ara'aita ruqan nastarqiha, wa dawa'an natadawi biha, أو نتداوى بها أو نتداوى به نعم يعني رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد قدر الله شيئا قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله رواه أحمد. Donc ici, il s'est rapporté selon Abi Khuzama, selon son père, radiyallahu anhu, il dit que, il a dit, ô messager d'Allah, vois-tu une ruqa, une ruqya, une incantation du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations qu'on récite pour se guérir, lorsqu'on est affecté par quelque chose, on fait la ruqya, ou un médicament qu'on prend parmi les médicaments ou une protection quelconque qu'on utilise pour se protéger, est-ce que c'est quelque chose qui rejette ou qui repousse la prédestination d'Allah en quoi que ce soit? Est-ce que ça repousse le qadar de prendre ces choses-là ou d'utiliser ces moyens-là? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: cela fait partie du qadar d'Allah. Et c'est pour ça, même les salafs, ils disaient, « Nu'alijul al-qadar bil-qadar. » On traite le qadar par le qadar. Parce que de la même manière que ce qui nous a atteint comme maladie fait partie du qadar, et le remède fait aussi partie du qadar. Donc on utilise le qadar pour remédier au qadar. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le vol. Omar, quand il a dit, l'autre qui lui a dit, Omar, j'ai volé parce que c'est le qadar. Et Omar, il lui a dit, je vais te couper la main parce que c'est le qadar. Donc, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de justification dans le qadar pour le péché. Et le fait de prendre des remèdes que Allah a créés et qu'il a légiférés, eh bien, ça n'oppose pas le qadar non plus. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Donc il dit: وهذا حديث عظيم فيه انه لا منافاه بين الايمان بالقضاء والقدر واتخاذ الاسباب النافعه فلا يقال نؤمن بالقضاء والقدر دون الحاجة إلى اتخاذ الأسباب لأنه من الخطأ، ولا يقال نتخذ الأسباب وحسب ولا حاجة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أيضا من الخطأ لأن الاعتماد على القضاء والقدر ضلال، وكذلك الاعتماد على الأسباب لوحدها ضلال. والحق هو الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب النافعة لأنها لا تنافي القضاء والقدر، لأن اتخاذ الأسباب إنما هو من القضاء والقدر. فلو أن الله قدر اتخاذ هذه الأسباب فلولا أن الله قدر اتخاذ هذه الأسباب لما اتخذها الإنسان، فلا تنافي في ذلك بينهما، لأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. Donc le cheikh il explique que ça c'est un hadith immense, très grand en signification, et il dit qu'il n'y a pas de contradiction donc entre la foi en le décret divin et la prédestination, et entre le fait de prendre les causes et les moyens nécessaires qui sont bénéfiques pour se traiter d'une maladie ou bien se préserver d'un mal. Et il dit qu'on ne doit pas dire, par exemple, on croit en le décret divin et la prédestination, et à cause de ça, on n'a pas besoin de prendre les causes nécessaires ou les moyens nécessaires pour se préserver ou pour se guérir. Il dit ça, c'est une erreur. Il dit la même chose aussi pour celui qui dirait, par exemple, moi, je prends seulement les causes et je me base seulement sur les moyens et les causes matérielles uniquement. Et je n'ai pas besoin de croire en le décret divin et la prédestination, comme les matérialistes, et ça, ou bien les qadariya, ou ceux qui nient le qadar. Ça aussi, c'est une erreur. Tu ne dois pas prendre uniquement les causes et les moyens, et tu ne dois pas seulement prendre le qadar ou le qadar, puis laisser les causes et les moyens. Mais tu dois croire et utiliser les deux, croire en al-qadar ou al-qadar, et utiliser les moyens et les causes bénéfiques et halal. Ensuite, le cheikh il dit donc que de se reposer seulement sur le qadar ou le qadar sans prendre les causes et les moyens, c'est de l'égarement. Et de se baser seulement sur les causes et sur les moyens seulement, sans croire au décret divin et la prédestination, c'est de l'égarement aussi. Et la vérité, c'est de rejoindre et de réunir ces deux choses, la foi en le qadar ou le qadar et le fait de prendre les causes bénéfiques. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre ces causes et ces moyens et le décret divin, ainsi que la foi en le qadar. Il dit parce que les causes, si on les prend, eh bien ça aussi, ça fait partie du décret divin. Et si Allah n'avait pas prédestiné qu'une personne allait prendre les moyens et les causes, elle ne les aurait pas pris. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein? Parce qu'il n'y a rien qui peut se produire dans la création, excepté que ça rentre dans ce que Allah a décrété et de ce qu'il a prédestiné. Il dit, وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ رُقَّا نَسْتَرْقِيهَا يعني رُقَّا جَمْعُ رُقْيَا وَالْمُرَادُ بِهَا التَّعْوِيذَ الَّتِي يَتَعَوَّذُ بِهَا الْمَرِيضُ هذه الرُقَّا إن كانت من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية المشروعة فهي رقا شرعية صحيحة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي الرقى الشرعية وهي صحيحة فعلها ومضمونها لأنها من اتخاذ الأسباب، والله جل وعلا جعل القرآن شفاء من الأمراض ومن الشكوك والأوهام والشبهات، فهو شفاء للأجسام وللقلوب، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو يشفي من الأمراض والأسقام ويشفي من الشبهات والشكوك والوساوس التي تكون في القلوب. فإذا كانت الرقية من القرآن الكريم ومن الأدعية المشروعة فإنه لا بأس بها، أما إن كانت من الشركيات وعن طريق الاستعانة بالجن والشياطين، أو كانت بألفاظ مجهولة وبحروف مقطعة وطلاسم، فهي رقية شركية شيطانية، فلا يجوز العمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأنهم كانوا في الجاهلية يعملون الرقى الشركية، وأما الإسلام فقد جاء بالرقى الشرعية. Donc le cheikh il explique que dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne, ou bien la personne qui pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle mentionne la ruqya et elle utilise le terme ruqa, hein, ruqan nastarqiha. Ruqa c'est le pluriel du mot ruqya, et ar-ruqya c'est les protections ou les invocations qu'on prononce ou qu'on utilise lorsque quelqu'un est malade. Et le cheikh il dit que si ça c'est tiré du livre d'Allah, le Coran, ou bien des invocations légiférées dans la sunna, alors dans ce cas-là c'est une ruqya qui est légale et qui est bonne, qui est correcte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu recours à la ruqya pour lui-même et il l'a également utilisé pour d'autres personnes, et ça fait partie de ce qui est légiféré dans l'islam. Et c'est correct de le faire, et yani c'est permis de l'utiliser et de l'employer. Cela fait partie d'utiliser les moyens et les causes que Allah Azza wa Jalla a établi pour guérir des gens de certaines maladies en utilisant le Coran. Parce que le Coran, il est une guérison pour les maladies, pour les doutes, pour les maux qui peuvent affecter l'âme, ou bien les soucis, les tracas, les troubles de l'âme, et les ambiguïtés et les doutes. Et c'est une guérison également pour les corps et pour les cœurs. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 82 dans Surat Al-Isra, et nous faisons descendre du Coran ce qui contient une guérison et une miséricorde. Et dans le verset 44 dans Surat Fussilat, Allah Azza wa Jal, il dit, « Dis, ô Muhammad, c'est pour ceux qui croient une guidance et un remède, une guérison. » Donc, comme il dit ici, c'est une guérison pour les maladies, pour les maux, ça guérit des shubuhat, des ambiguïtés et des doutes, et des suggestions du diable qui sont dans le cœur. Donc, si la ruqya est basée sur le Coran ou des invocations légiférées, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal de l'utiliser. Mais si c'est une ruqya qui est faite à partir du shirk et qui est pratiquée en utilisant l'aide des djinns et des diables, ou que c'est des termes ou des mots dans des langues inconnues qui sont utilisés avec des lettres ou des chiffres ou des talismans, alors à ce moment-là, ce sont des formes d'incantation de shirk et diabolique. Et il n'est pas permis d'avoir recours à ce genre de ruqya du shaitan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud selon Auf ibn Malik, présentez-moi vos ruqya, les ruqya que vous utilisez. Il dit, il n'y a pas de mal d'utiliser une ruqya tant qu'elle n'a pas de shirk, tant qu'elle ne contient pas de shirk. Et la raison pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela, c'est parce que avant l'islam, dans la jahiliya, les Arabes, ils faisaient des incantations. Ils faisaient de la ruqya. Ils utilisaient la ruqya, mais la ruqya basée sur le shirk, sur le sihr. Il y a toutes sortes de choses qui contredisaient l'islam. Tandis que dans l'islam, la ruqya, elle existe, mais il faut que ce soit une ruqya qui est propre, qui est basée sur la religion, sur le Coran et sur la sunna. Et de l'utiliser tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et non pas comme le font certains sorciers, certains charlatans et certains voyants ou médiums qui prétendent avoir des connaissances secrètes et qui utilisent les djinns et les shayatines pour faire du sihr, et après ils prétendent que ça c'est de la ruqya. Non, c'est pas mauvais de dire ça. Il y a un hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à quelqu'un, l'avait dit. Allahumma hassin farja wa tahhir qalba. Le jeune qui était venu demander au messager d'Allah, permets-moi de faire le zina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu l'accepterais pour ta mère? Est-ce que tu l'accepterais pour ta sœur? Est-ce que tu l'accepterais pour ta tante? Et il dit non, hein? Non, non. Alors il dit, alors si tu l'acceptes pas pour elle, pourquoi tu voudrais qu'on te le permette pour la mère de quelqu'un d'autre, ou la sœur de quelqu'un d'autre, ou la tante de quelqu'un d'autre? Et il a mis sa main sur sa poitrine ou sur son cœur, et il a dit, oh Allah, préserve ses parties intimes du haram et purifie son cœur. C'est mieux que de faire que la personne elle se fasse elle-même la ruqya. Ça, c'est préférable. Mais si quelqu'un a besoin qu'une autre personne lui fasse la ruqya, c'est pas interdit de le demander. Mais c'est juste que c'est moins bon de le demander que de se le faire à soi-même. On fait kabarak. Après, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ وَدَوَاءً نَتَدَاوَ بِهِ المراد الأدوية الحسية التي يتداوى بها الناس في المستشفيات والمستوصفات يعني وهو الطب النبوي المعروف أو ما يسمى بالطب الشعبي والصحيح منه هو الطب النبوي وما ليس بالصحيح فهو ليس من الطب النبوي فالأدوية الحسية لا بأس بها فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وفي رواية بزيادة علمه وجاهله من جاهله فهو سبحانه جعل في هذه المخلوقات وهذه النباتات أدوية يستخرجها الأطباء وهم أهل خبرة فينفع الله بها فلا بأس بالتداوي والعلاج بالأدوية المباحة لكن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرقى والأدوية والتقى التي يتقون بها المكروه هل هي ترد القضاء والقدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله لأنها مخلوقة والله هو الذي قدرها سبحانه وتعالى وجعلها أدوية وشفاء للناس فهي من القضاء والقدر لا تنافيه فأن يتداوى الناس ويؤمنوا بالقضاء والقدر فذلك هو المنهج الصحيح والعقيدة السليمة واتخاذ الأسباب المباحة لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر لأنها هي من القضاء والقدر فلا شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله Jalla wa ala. Et donc le cheikh il termine ce hadith et son explication en disant que ensuite la personne a demandé au messager d'Allah ou un remède par lequel on se traite ou on se guérit par la permission d'Allah et il dit ici que les remèdes qu'on utilise qui sont des remèdes yani physiques si on veut que les gens utilisent dans les hôpitaux ou dans les cliniques hein, et que les pharmaciens donnent aux malades. Il dit, ou bien si ça fait partie de la médecine prophétique aussi, ça c'est connu. Et il y a la médecine traditionnelle, hein, la médecine traditionnelle aussi. Et il dit que qu'est-ce qui est authentique ou qu'est-ce qui est bon de cette médecine traditionnelle, c'est la médecine prophétique. Et il dit qu'il n'y a pas de mal à avoir recours à cette médecine-là. Il dit, tandis que si c'est une forme de médecine traditionnelle qui n'est pas bonne, alors dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de la médecine prophétique. Et il dit que les remèdes, de façon générale, s'ils sont des remèdes physiques, on a le droit de les utiliser. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira radiyallahu anhu que Allah n'a pas fait descendre une maladie excepté qu'il a fait descendre son remède. Et dans une autre narration, il a rajouté, celui qui le sait, celui qui l'ignore, l'ignore. En voulant dire que celui qui fait des recherches pour le connaître, ce remède, il va le connaître. Tandis que celui qui l'ignore, il l'ignore uniquement parce qu'il n'a pas eu la connaissance, il n'a pas fait la recherche. Donc, toutes les maladies qui existent, il y a une guérison, il y a un remède, excepté la mort. La mort, c'est inévitable. Et le cheikh, il dit que dans les plantes qui existent et dans les choses que Allah a créées, il a créé dedans parfois des médicaments ou des traitements ou des remèdes pour certaines maladies ou certains malaises. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient ces éléments dans les plantes et dans les substances dans lesquelles ils trouvent ces remèdes-là. Et ils les extraient, puis ils les mettent en forme de pilules, hein, ou de sirop, ou bien d'onguents, ou de crème, ou autre, pour faire des traitements avec. Et Allah, hein, il a rendu cela bénéfique. Il a mis du bien dans ça. Donc, il n'y a pas de mal pour quelqu'un de se traiter, hein, par ces médicaments-là qui sont licites. Il dit, mais la personne a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet justement de ces formes de ruqya ou de ces remèdes et des choses qu'on utilise pour se préserver du mal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé ou incité à manger certaines dattes. La datte al-ajwa, c'est une sorte de datte. 7 dattes le matin qui protège contre le sihr et contre les morsures de bêtes. Hein? Donc ça, c'est pour dire, ça fait partie des préventions. Ça fait partie des préventions. Et on peut inclure là-dedans les vaccins, hein? Puisque c'est une méthode qui est employé depuis assez longtemps maintenant et qui est connu, qui a pour but d'aider le corps à fabriquer des anticorps pour reconnaître un virus ou une maladie quelconque pour être capable de mieux la combattre ou de la combattre plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui est également permis et les ulama, ils ont des fatwas sur ça. Et il y a même des ulamas à notre époque, parmi les grands ulamas comme Cheikh Al-Fawzan et d'autres, qui se sont fait vacciner eux aussi contre le COVID et contre d'autres maladies. Parce que pour faire le Hajj, ils exigent le vaccin contre la méningite depuis des années. Et moi, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai pris ce vaccin-là à chaque fois que je partais en voyage, et aussi contre la fièvre jaune quand tu vas en Afrique, et contre aussi le choléra, la typhoïde. En tout cas, je me rappelle quand je suis parti en Afrique la première fois, ils m'ont fait faire un paquet de vaccins pour l'hépatite A, B, C, je sais pas quoi encore. À la kulli hal, yani. Ça, c'est des choses qui font partie du qadar. Hein, parce que la personne a posé la question, est-ce que ça repousse le qadar? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ça fait partie du qadar. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui les a créés et qui les a prédestinés, ces médicaments-là. Et il en a fait des remèdes et des guérisons pour les gens ou des préventions pour les gens. Et donc, ça rentre dans le qada ou le qadar aussi. Il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre le fait d'utiliser ces remèdes et le fait de croire en le qadar. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, « Ah non, moi je crois au qadar, je ne prends pas de médicaments. » Alors qu'il est malade. Ça, c'est absurde d'agir comme ça ou de penser comme ça. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre le qadar et le fait de prendre des médicaments. Et c'est ça la bonne voie, la bonne méthodologie et la aqida qui est propre à ce sujet-là, de prendre les causes et les moyens licites. Il n'y a pas de contradiction entre ça et la foi en le décret divin et la prédestination, parce que ces médicaments-là font eux aussi partie du qada ou al-qadar. Et il n'y a rien dans la création excepté que ça fait partie du qadar. Non. Oui, c'est ça. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui dit, par exemple, je reste à la maison, je crois au qadar, je vais avoir de l'argent même si je reste assis chez moi. Ou qui dit, j'ai pas besoin de me marier. Si Allah il veut, je vais avoir un enfant, même si je me marie pas. Le bébé, il va descendre. C'est pas comme ça. Hein? Donc ça, il faut prendre les causes. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal a fait les choses. C'est vrai que des fois, il y a eu des miracles. Hein? Et que certaines personnes ont reçu des choses de façon surnaturelle ou hors de l'ordinaire. Et c'est pour ça qu'on les appelle des miracles. Parce que ce n'est pas quelque chose de normal ou d'habituel. Hein? Mais sinon, la règle générale, c'est que Allah Azza wa Jal, il fait les choses parce qu'il a créé les causes et les effets. Et il n'y a pas de mal d'utiliser les causes pour vouloir obtenir les effets qu'elles procurent. Hein? Tout en étant convaincu que c'est uniquement par la permission d'Allah que cela se fait. Et que tu peux faire les causes et que parfois tu n'obtiens pas le résultat. Parce que le résultat, il vient d'Allah. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته